faux sacerdoce. Pesa la fête des Juifs était proche et Jésus dit à ses disciples. Allons à Jérusalem prendre l'agneau de Pesa. Il envoya Séphas et Jean en ville en disant. Vous trouverez une ânesse près de la porte de la ville avec un ânon. Déliez-les et emmenez-les ici, car j'ai besoin d'aller là-dessus jusqu'à Jérusalem. Si on vous demande pourquoi vous les déliez, dites-leur que le maître en a besoin et ils vous laisseront l'emmener. Les disciples trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils emmenèrent l'ânesse avec l'ânon. Les disciples placèrent leur manteau sur l'ânon et Jésus s'assit dessus. Lorsque les hommes de Jérusalem apprirent que Jésus de Nazareth allait venir, ils sortirent à voir Jésus avec leurs enfants, ayant en main des branches de palmiers et d'oliviers, et chantant. Béni est celui qui vient à nous au nom de Dieu. Hosanna fils de David. Jésus entra dans la ville, les hommes étendirent leurs vêtements au pied de l'ânon et chantaient. Béni est celui qui vient à nous au nom du Seigneur Dieu. Hosanna fils de David. Les pharisiens réprimandèrent Jésus. Vois-tu ce qu'ils disent? Dis-leur de garder silence. Comme Dieu vit, en présence duquel mon âme se tient, leur dit Jésus, si les hommes gardaient silence, les pierres crieraient contre les pécheurs incrédules. Quand Jésus dit cela, toutes les pierres de Jérusalem crièrent dans un grand fracas. Béni est celui qui vient à nous au nom du Seigneur Dieu. Malgré cela, les pharisiens persistèrent dans leur incrédulité et se réunirent pour se consulter comment attraper Jésus dans son enseignement. Quand Jésus entra dans le temple, les scribes et pharisiens discutaient de lui apporter une femme en adultère et disaient entre eux, « Nous le tiendrons coupable s'il la sauve car c'est contraire à la loi de Mosché. Mais s'il la condamne, ce sera contraire à son enseignement puisqu'il prêche la miséricorde. » Ils vinrent vers Jésus et dirent, « Maître, nous avons trouvé cette femme en adultère. Mosché ordonne qu'elle soit lapidée, que dis-tu ? » Jésus se pencha et de son doigt fit sur le sol un miroir où chacun vit ses propres torts. Comme il le pressait pour une réponse, Jésus se redressa en pointant le miroir de son doigt. « Qui est sans péché parmi vous lui jette la pierre en premier. » Il se pencha de nouveau pour arranger le miroir. À sa vue les hommes partirent un par un, à commencer par les anciens, honteux de voir leurs abominations. Jésus se redressa et ne voyant personne d'autre que la femme, il dit « Femme, où sont ceux qui te condamnaient ? » Ils sont partis, Seigneur, répondit la femme en larmes. Comme Dieu vit, je ne pécherai plus. Pardonne-moi. Gloire à Dieu. Reprends ton chemin en paix et ne pêche plus. Dieu ne m'a pas envoyé pour te condamner. Alors que les scribes et les pharisiens se rassemblaient, Jésus leur dit. Dites-moi si l'un de vous avait 100 brebis et qu'il perde l'une d'elles. N'irait-il pas la chercher en laissant les 99 autres? Et quand vous la trouvez, ne la mettez-vous pas sur vos épaules et vous appelez vos voisins en disant « Réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé la brebis que j'avais perdue. » Vous feriez sûrement ainsi. Notre Dieu aimerait-il moins l'homme pour qui il a fait le monde? Dites-moi. Comme Dieu vit, il y a aussi de la joie dans la présence des anges de Dieu pour un pécheur qui se repent, car les pécheurs font connaître la miséricorde de Dieu. Qui aime mieux le médecin? Dites-moi, ceux qui n'ont eu aucune maladie ou ceux que le médecin a guéris d'une grave maladie? Comment celui qui est en santé aimerait-il le médecin? Dirent les pharisiens. Sûrement parce qu'il n'a aucune maladie. Et puisqu'il ne connaît pas de maladie, il l'aimera peu. Comme Dieu vit, dit Jésus avec fougue, vos propres langues condamnent votre orgueil, vu que notre Dieu est plus aimé du pécheur que des justes. Car le pécheur fait connaître la grande miséricorde de Dieu envers lui, tandis que les justes ne font pas connaître la miséricorde de Dieu. Ainsi il y a plus de joie dans la présence des anges de Dieu pour un pécheur qui se repent que pour les 99 justes. Où sont les justes de notre temps? Comme Dieu vit, en présence duquel mon âme se tient, grand est le nombre des justes injustes, leur condition est la même que Satan. Si nous sommes des pécheurs, Dieu aura aussi pitié de nous, répondirent les scribes et les pharisiens. Ils dirent cela pour le provoquer, car les scribes et les pharisiens tiennent en très grande insulte de se faire appeler pécheurs. Je crains que vous soyez justes des injustes. Si vous avez péché et que vous niez votre péché, vous êtes des injustes qui vous appelez vous-même justes. Et si vous vous considérez juste en votre cœur et que vous dites par votre langue que vous êtes des pécheurs, vous êtes doublement injuste. Les scribes et les pharisiens furent confus d'entendre cela et s'en allèrent. Jésus partit chez Simon, le lépreux dont il avait guéri la lèpre, avec ses disciples. Les habitants avaient assemblé les malades dans la maison de Simon et prièrent Jésus de les guérir. Sachant son approche, Jésus dit : Appelez tous les malades, autant qu'il y en a, car notre puissant Dieu est miséricordieux pour les guérir. Nous ne savons pas s'il y a d'autres malades ici à Jérusalem, répondirent-ils. Jésus pleura et dit : Je pleure sur vous, Israël, Jérusalem, car vous ne connaissez pas votre visitation. J'ai cru pouvoir vous rassembler pour l'amour de votre Créateur Dieu comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Dieu vous dit ainsi. Ville au cœur endurci et d'esprit pervers, je t'ai envoyé mon servant pour convertir ton cœur, pour que tu te repentes à la fin, mais toi, ville de confusion, tu as oublié tout ce que j'ai fait en l'Égypte et au Pharaon par amour pour toi, Israël. Combien de fois as-tu pleuré pour que mon servant guérisse les maladies de ton corps, et tu cherches à tuer mon servant parce qu'il cherche à guérir ton âme des péchés? Resteras-tu seul impuni de moi peut-être? Vivras-tu éternellement peut-être? Ton orgueil te délivra-t-il de mes mains peut-être? Sûrement pas. J'apporterai contre toi des princes avec une armée qui t'encercleront avec puissance. Je t'abandonnerai de cette manière entre leurs mains et que ta vanité descende jusqu'au Sheol. Je n'excuserai pas les vieillards, ni les veuves, je n'excuserai pas les enfants, mais je vous donnerai tous à la famine, à l'épée et la moquerie. Je ferai une désolation de la ville et du temple que je regardais avec miséricorde, au point que vous serez un sujet de fable et de sarcasme proverbial par les nations. Que ma fureur reste sur vous et que mon indignation ne dorme pas. Ne savez-vous pas qu'il y a d'autres malades? Comme Dieu vit, ceux qui ont l'âme malade à Jérusalem sont plus nombreux que ceux qui ont le corps malade, dit Jésus. Et pour que vous sachiez que je dis la vérité, au nom de Dieu, malade, que votre maladie vous quitte. Et ils furent aussitôt guéris. Les hommes pleurèrent d'entendre que Dieu était en colère contre Jérusalem et prièrent pour la miséricorde. Jésus dit. Dieu dit ainsi. Si Jérusalem pleure pour ses péchés, fait pénitence, et marche dans mes voies, je ne me souviendrai plus de ses torts et je ne ferai venir sur elle aucun des malheurs que j'ai dit. Mais Jérusalem pleure sa ruine, non d'avoir fait blasphémer mon nom parmi les nations parce qu'ils m'ont déshonoré. Ainsi ma fureur est encore plus en feu. Comme je vis éternellement, Si mes servants Job, Abraham, Shemuel, David, Daniel et Moshe priaient pour ce peuple, ma colère ne s'apaisera pas contre Jérusalem. Jésus se retira dans la maison. Chacun était dans la crainte. Jésus était dans la maison de Simon le lépreux, à table avec ses disciples, quand voici, Marie la sœur de Lazare entra dans la maison jusqu'à Jésus et versa sur sa tête et son vêtement le baume qu'elle portait dans un récipient. Quand le traître Judas vit cela, il tenta d'arrêter Marie, disant « Va vendre le baume et apporte l'argent que je puisse le donner aux pauvres. Pourquoi l'arrêtes-tu ? Laisse-la. Tu auras toujours les pauvres avec toi, mais tu ne m'auras pas toujours. » « Maître, dit Judas, ce baume peut se vendre 300 pièces d'argent. Vois combien de pauvres peuvent être aidés. Je connais ton cœur, Judas, aie patience et je te donnerai tout. » Chacun mangeait avec crainte et les disciples furent accablés d'apprendre que Jésus allait bientôt les quitter. Judas était indigné de perdre 30 pièces d'argent pour le baume non vendu, puisqu'il volait le dixième de tout ce qui se donnait à Jésus. Il sortit trouver le grand Cohen, alors en réunion du conseil avec les Cohanim, les scribes et les pharisiens, et il leur dit : Que me donnerez-vous si je remets entre vos mains ce Jésus qui a l'intention de devenir roi d'Israël ? Comment le livreras-tu entre nos mains ? Répondirent-ils : Dès que je saurai où il ira prier en dehors de la ville, je vous le dirai, et je vous conduirai où il se trouvera, car il sera impossible de le prendre en ville sans émeute, dit Judas. Nous te donnerons 30 pièces d'or si tu le livres dans nos mains, et tu verras comme je te traiterai bien, dit le grand Cohen. Quand il fit jour, Jésus monta au temple avec une grande foule de gens. Le grand Cohen vint près de lui et dit : Dis-moi Jésus, as-tu oublié tout ce que tu as déclaré, que tu n'es pas Dieu ? Je ne l'ai sûrement pas oublié, c'est la déclaration que je porterai devant le trône du jugement de Dieu au jour du jugement. Tout ce qui est écrit dans le livre de Moshe est très vrai. Dieu seul est notre Créateur, et je suis le servant de Dieu qui désire servir Dieu et le messager de Dieu que vous appelez Messie. En quoi cela te profite de venir au temple avec une si grande foule ? Cherches-tu peut-être à devenir roi d'Israël ? Prends garde que quelque danger ne tombe sur toi, dit le grand Cohen. Si je cherchais ma gloire personnelle en prenant ma part dans ce monde, je n'aurais pas fui quand le peuple de Nain voulait me faire roi. Crois-moi, en vérité je ne cherche rien de ce monde. Nous voulons savoir une chose sur le Messie, dit le grand Cohen. Cohanim, scribes et pharisiens encerclèrent Jésus. Quelle est cette chose que tu cherches à savoir sur le Messie, le mensonge peut-être ? Je vais sûrement pas te dire un mensonge. Vous me détestez et vous cherchez à me tuer parce que je vous dis la vérité. Nous savons maintenant que tu as le diable dans le dos, dit le grand Cohen. Tu es un Samaritain qui n'a aucun respect pour le Cohen de Dieu. Comme Dieu vit, je n'ai pas le diable dans le dos. Je cherche à chasser le diable et c'est pour cette raison que le diable monte le monde contre moi. Mais je ne suis pas de ce monde, je ne cherche qu'à glorifier Dieu qui m'a envoyé dans le monde. Écoutez-moi et je vais vous dire qui a le diable dans le dos. Comme Dieu vit, en présence duquel se tient mon âme, quiconque agit suivant la volonté du diable, a le diable dans son dos, qui a mis sur lui la bride de sa volonté, pour le contrôler et le faire courir dans tout mal selon son plaisir. Comme un vêtement change de nom, quand son propriétaire change, bien qu'il s'agisse du même vêtement, aussi les hommes, bien qu'ils soient tous d'une même matière, sont différents en raison des travaux de celui qui travaille dans l'homme. Si j'ai péché, pourquoi ne pas me reprendre comme un frère plutôt que de me détester comme un ennemi? Les membres d'un corps ne s'aident-ils pas l'un l'autre lorsqu'ils sont vraiment unis à la tête? Mais ceux qui sont coupés de la tête ne lui donnent aucune aide. Les mains d'un corps ne sentent pas la douleur des pieds d'un autre corps, mais que la douleur du corps auquel elles sont unies. Comme Dieu vit, en présence duquel se tient mon âme, qui craint Dieu et aime son Créateur, ressent de la miséricorde pour ce que Dieu, sa tête, a miséricorde. Car Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il attend que chacun se repente. Si donc vous étiez de ce corps auquel je suis rattaché, comme Dieu vit, vous m'aideriez à travailler en accord avec ma tête. Reprenez-moi si j'agis mal et Dieu vous aimera si vous faites sa volonté. Mais si aucun de vous ne peut me blâmer un péché, c'est signe que vous n'êtes pas fils d'Abraham comme vous dites vous-même, ni attaché à cette tête à laquelle Abraham était rattaché. Comme Dieu vit, Abraham aimait Dieu si fort, que non seulement il brisa en pièces les fausses idoles et quitta son père et sa mère, mais il était aussi prêt à retrancher son propre fils par obéissance à Dieu. Le grand Cohen se mit en colère avec les scribes, les pharisiens, et les anciens du peuple, et ils prirent des pierres pour lapider Jésus. Mais il disparut sous leurs yeux et sortit du temple. Les disciples et les croyants le suivirent jusqu'à la maison de Simon. Nicodème vint bientôt conseiller Jésus de sortir de Jérusalem pour aller de l'autre côté du torrent Cédron. Seigneur, lui dit-il, j'ai une maison avec un jardin derrière le torrent Cédron, je te prie d'aller y rester avec quelques-uns de tes disciples, jusqu'à ce que la haine de nos Kohanim passe. Je te servirai ce qui est nécessaire. Laisse la foule des disciples dans la maison de Simon et la mienne, Dieu pourvoira pour tous. Jésus fit ainsi, désirant n'avoir avec lui que les 12 premiers disciples, appelés apôtres. Après le départ de Jésus, la confusion cessa dans le temple et le grand Cohen monta parler sur une hauteur et après avoir demandé silence de ses mains, il dit : Que faire, frère ? Ne voyez-vous pas qu'il a trompé tout le monde par son art diabolique ? Comment aurait-il pu disparaître s'il n'était pas magicien ? Si vraiment il avait été un prophète et un saint, il n'aurait pas blasphémé le serviteur de Dieu, ni Moshe, ni le Messie, l'espérance d'Israël. Que dis-je ? Il a blasphémé contre tout notre sacerdoce. Je vous dis en vérité, s'il n'est pas retiré du monde, Israël sera souillé et notre Dieu nous livrera aux nations. Voyez comme ce saint temple a été souillé à cause de lui. Le grand Cohen parla de telle et telle manière que beaucoup se détournèrent de Jésus et la persécution secrète devint manifeste. Le grand Cohen se rendit en personne chez Hérode et chez le gouverneur romain pour accuser Jésus de vouloir devenir roi d'Israël et qu'ils avaient de faux témoins. Un conseil général se réunit contre Jésus bien qu'il redoutait les deux décrets du Sénat romain émis concernant Jésus. Il y eut pour cette raison une grande division parmi eux, car certains voulurent écrire de nouveau à Rome contre Jésus, d'autres voulurent laisser Jésus en paix malgré ce qu'il dit de folie, d'autres voulurent témoigner des grands miracles qu'il faisait. Mais le grand Cohen interdit à quiconque de dire un mot pour la défense de Jésus, sous peine de bannissement. Le gouverneur dit à Hérode : Si nous tuons ce pécheur, nous agirions contre le décret de César, mais que se passera-t-il si nous le laissons vivre et qu'il se fasse roi ? Dans chaque cas, nous avons un mauvais parti dans nos mains. Prends garde que ce pays se rebelle en faveur de cet homme, car je t'accuserai devant César, menaça Hérode. Le gouverneur craignait le Sénat et se fit amical avec Hérode. Même s'ils se détestaient l'un l'autre à mort auparavant, Ils se joignirent ensemble pour la mort de Jésus, et dirent au grand Cohen. Dès que tu sauras où est ce malfaiteur, envoie pour nous car nous te donnerons des soldats. Dès ce jour Jésus fut recherché par tous à travers Jérusalem où il se trouvait durant Pessah. Cela arriva selon la parole de David qui avait prophétisé sur Jésus. Les princes et les rois de la terre se sont unis contre le Saint d'Israël qui annonce le salut du monde. Dans la maison de Nicodème derrière le torrent Cédron, Jésus réconforta ses disciples. L'heure est proche que je doive quitter le monde. Ne vous attristez pas. Consolez-vous car je n'éprouverai aucune épreuve où je vais. Seriez-vous mes amis si vous vous attristez à ma paix? Sûrement pas, mais mes ennemis. Soyez plutôt tristes à la joie du monde, puisque la joie du monde se changera en pleurs et votre tristesse en joie qui ne pourra vous être retirée. Le monde entier ne pourra vous retirer la joie que votre cœur ressent pour son Créateur Dieu. Voyez ne pas oublier les paroles que Dieu vous a dites par ma bouche. Soyez témoins contre quiconque souillera le témoignage que j'ai déclaré dans mon séfer, contre le monde et contre les amoureux du monde. Jésus leva ses mains vers le Seigneur et dit : Seigneur, notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, Dieu de nos pères. Aie miséricorde pour ceux que tu m'as donnés, sauve-les du monde. Je ne dis pas de les retirer du monde, car il faut qu'ils témoignent contre ceux qui souilleront mon séfer, mais je te prie de les protéger du mal, pour qu'ils viennent témoigner avec moi au jour de ton jugement contre le monde et contre la maison d'Israël, qui a souillé ton témoignage. Ô Seigneur Dieu puissant et jaloux, qui venge l'idolâtrie des pères sur les fils jusqu'à la quatrième génération de pères idolâtres. Seigneur Dieu miséricordieux, qui fait miséricorde jusqu'à mille générations sur ceux qui te craignent. Aie miséricorde pour ceux qui croiront à mes paroles, et que tu m'as données. Car, étant boue et poussière, le servant de tes servants, jamais je n'ai pensé être un bon servant, puisque je ne peux rien te donner pour toutes les choses que tu m'as données qui sont tiennes. Seigneur, toi qui par ta providence, pourvois en toutes choses le nécessaire à ton peuple Israël, en mémoire des tribus de la terre que tu as créées. Aie miséricorde envers le monde, envoie vite ton messager, Saint-Esprit, pour que ton ennemi Satan perde sa domination. Toi, véritable Dieu, tout comme véritable est ta parole que j'ai dite, car c'est ta parole. J'ai toujours parlé comme celui qui lit ce qui est écrit dans le livre, j'ai déclaré ce que tu m'as donné. Seigneur Dieu Sauveur, sauve ceux que tu m'as donnés, que Satan ne puisse rien faire contre eux. Non seulement eux, sauve aussi tous ceux qui croiront en eux. Seigneur bon et riche en miséricorde, permets à ton servant au jour du jugement d'être de la congrégation avec tous ceux que tu m'as donnés, avec tous ceux qui croiront en moi par leur prédication. Seigneur, fais cela pour ta propre gloire, que Satan ne se glorifie pas contre toi. Seigneur, aie miséricorde pour le monde et envoie vite ton Saint-Esprit, que ton ennemi Satan perde sa domination. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Dieu, grand et miséricordieux. Qu'il en soit ainsi, répondirent-ils en larmes. Excepté Judas qui ne croyait pas. Le jour venu de manger l'agneau, Nicodème envoya l'agneau secrètement au jardin pour Jésus et ses disciples et les avertit de l'arrêté du grand Cohen, d'Hérode et du gouverneur. Se tournant vers Judas, il dit : Pourquoi tardes-tu, ami ? Mon temps approche, va faire ce que tu dois faire. Jésus lui dit de nouveau : Fais vite ce que tu dois faire. » Les disciples pensèrent que Jésus l'envoyait acheter quelque chose pour le soir de Pessah. Jésus savait que Judas le trahirait, mais il parlait ainsi parce qu'il désirait quitter ce monde. « Seigneur, laisse-moi manger et j'irai, » répondit Judas. « Mangeons cet agneau que j'ai grandement désiré manger avant de vous quitter. » Il se leva et prit une serviette dont il se saignit les reins. Ayant versé de l'eau dans un bassin, il commença à laver les pieds de ses disciples, à commencer par Judas. Arrivé à Céphas, Céphas dit, « Seigneur, me laverais-tu les pieds ? Tu ne sais pas ce que je fais maintenant, mais tu le sauras après. Jamais tu ne me laveras les pieds, » dit Céphas. Jamais tu ne viendras en ma compagnie au jour du jugement. Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds mais la tête et les mains aussi, dit-il. Quand les disciples furent lavés et qu'ils s'étaient mis à table pour manger, Jésus dit, « Je vous ai lavés mais vous n'êtes pas tous purs. Toute l'eau de la mer ne peut purifier qui ne croit pas en moi. » Jésus parlait de celui qui allait le trahir. Les disciples furent affligés à ces paroles et Jésus dit, « En vérité je vous dis, l'un de vous me trahira, et je serai vendu comme un mouton. Malheur à lui quand il réalisera cela, comme David dit. Il tombe dans la fosse qu'il a préparée pour les autres. » Les disciples se regardèrent en se disant tristement, « Qui sera le traître ? Serais-ce moi, Rabbi ? » dit Judas. Tu m'as dit qui sera celui qui me trahira. Jésus se réjouit en esprit et dit, « Béni est ton saint nom, Seigneur, de ne pas m'avoir séparé du nombre de tes servants persécutés et tués par le monde. Je te remercie mon Dieu d'avoir accompli ton travail. » Les 11 apôtres ne l'entendirent pas. Quand l'agneau fut mangé, le démon vint sur le dos de Judas, et il sortit de la maison. Jésus sortit de la maison pour se retirer dans le jardin et prier suivant son habitude. Connaissant le lieu où était Jésus avec ses disciples, Judas alla chez le grand Cohen lui rapporter. « Si vous voulez me donner ce que promis, cette nuit je livrerai entre vos mains celui que vous cherchez, car Jésus est seul avec 11 compagnons. Combien veux-tu ? » répondit le grand Cohen. « 30 pièces d'or, » dit Judas. Le grand Cohen lui compta aussitôt l'argent. Il envoya un pharisien chercher les soldats d'Hérode et du gouverneur, qui leur donnèrent une légion par crainte du peuple. Ils prirent leurs armes avec des torches, des lampes sur pic, et sortirent de Jérusalem. Lorsque Judas et les soldats furent près de l'endroit où était Jésus, Jésus se retira aussitôt dans la maison où dormaient les 11 dès qu'il entendit de nombreuses personnes approcher. Nous avons entendu Judas parler, et à la vue d'une foule de soldats nous avons couru pour leur échapper. En se réveillant, Jean s'enfuit, il courut dénudé, laissant le drap de lin qui le couvrait aux soldats qui le saisit. Dieu avait entendu la prière de Jésus et sauva les 11 du mal. Les soldats saisirent Jésus, ils l'attachèrent en se moquant de lui. « N'aie crainte, sire, nous sommes venus te faire roi d'Israël. Nous t'avons attaché parce que nous savons que tu refuses la royauté. Avez-vous perdu la raison pour me prendre comme un voleur, avec des armes et des lampes, et m'attacher pour me faire roi ?» Les soldats maltraitèrent Jésus à coups de poing et de pied et l'emmenèrent à Jérusalem brutalement. Céphas et Jean les avaient suivis de loin et virent tout l'interrogatoire du grand Cohen contre Jésus ainsi que le conseil des pharisiens rassemblés pour mettre à mort Jésus, comme ils l'ont témoigné à celui qui écrit. Les scribes avaient mis un bandeau sur ses yeux et se moquaient de lui, disant « Dis-nous qui t'a frappé Jésus, prophète des Naziréens ?» Il le giflait et lui crachait au visage. Le matin venu, ils rassemblèrent en grand conseil les scribes et les anciens du peuple et le grand Cohen avec les pharisiens cherchèrent de faux témoins mais ils ne trouvèrent pas. Le grand Cohen fit amener Jésus, attaché devant lui, et le questionna sur son enseignement et ses disciples. Séducteur débauché, dit-il, tu as égaré tout Israël avec ton enseignement et tes faux miracles, à commencer par la Galilée jusqu'à Jérusalem. Crois-tu échapper à présent au châtiment qui t'attend? Comme Dieu vit, tu n'y échapperas pas. Ayant dit cela, il ordonna à ses serviteurs de lui donner des coups de gifle pour qu'il retrouve sa tête. La violence qu'il subit aux mains des serviteurs du grand Cohen à peine passée, il devisait déjà avec zèle sur d'autres sévices qui plairaient au conseil. Ils l'ont habillé en jongleur et le frappaient avec de si nombreux coups de poing et de pied que le dernier des Cananéens se troublerait en regardant. Les Cohanim, les pharisiens et anciens du peuple avaient leur cœur si dur contre Jésus qu'ils prirent plaisir de le voir maltraité. Ils l'emmenèrent ensuite chez le gouverneur, qui aimait en secret Jésus, et il le fit entrer dans sa chambre, pour lui demander pourquoi les grands Cohanim du peuple le remettaient entre ses mains. Jésus répondit. Croiras-tu en moi si je te dis la vérité, ou serais-tu aussi perdu que les Cohanim et les pharisiens? Croyant qu'il parlait de la loi, le gouverneur dit. Ne sais-tu pas que je ne suis pas juif? Les grands Cohanim et les anciens de ton peuple t'ont remis entre mes mains, dis-nous la vérité pour que je fasse ce qui est juste, car j'ai le pouvoir de te rendre libre ou de te mettre à mort. Pour se défaire de ce cas, le gouverneur qui se nommait Pilate dit. Hérode est roi de Galilée et il est galiléen. Emmenez-le donc à Hérode, il ne m'appartient pas de juger ce cas. Ils emmenèrent Jésus chez Hérode. Il avait depuis longtemps désiré que Jésus vienne dans sa maison, mais Jésus n'avait jamais voulu y aller parce qu'Hérode était un païen qui adorait de fausses divinités du mensonge et vivait à la manière impure des païens. Quand Jésus y fut amené, Hérode l'interrogea sur plusieurs choses, sans avoir la réponse attendue. Alors Hérode se moqua de lui avec toute sa cour et le fit vêtir de blanc comme on habille les fous et le renvoya chez Pilate en lui disant « Ne manque pas de faire justice au peuple d'Israël. » Hérode mit cela par écrit contre une grosse somme d'argent des grands Cohanim, des scribes et des pharisiens. Quand le gouverneur en prit connaissance par le serviteur d'Hérode, il supposa ordonner remettre Jésus en liberté, mais qu'avant il soit torturé par ses esclaves, aussi payé par les scribes pour le faire succomber sous les coups. Mais Dieu qui avait décrété l'issue, préserva Jésus pour le bois, ne le laissant pas succomber sous les coups des soldats et les multiples lacérations faites à son corps, à tel point que le sang coulait. Il se moquait de lui, le couvrirant d'un vieux drap pourpre en disant « Habillons-le d'une couronne, comme il convient à notre nouveau roi. » Ils prirent des ronces dont ils firent une couronne d'épines et la placèrent sur la tête de Jésus, comme les rois portent sur leur tête, avec un sceptre en roseau dans sa main, et le firent asseoir à un endroit élevé. Pour se moquer de lui, les soldats vinrent s'incliner en salut au roi des Juifs, étendaient leurs mains pour recevoir les présents que les nouveaux rois ont coutume de faire. Ne recevant rien, ils frappèrent Jésus en disant « Maintenant que tu es couronné, roi fou, paie tes soldats et serviteurs. » Voyant que Jésus n'expirait pas sous les coups, les grands Cohanim, les scribes et les pharisiens craignirent que le gouverneur, Pilate le remette en liberté. Ils lui firent un présent d'argent qu'il accepta, et il déclara Jésus coupable de mort. C'est ainsi que les scribes et les pharisiens le condamnèrent à mourir sur le bois, avec deux voleurs, et l'emmenèrent au mont Calvaire, où ils avaient l'habitude de pendre les malfaiteurs. Ils le crucifièrent dévêtu pour une plus grande honte, et Jésus s'est écrié : Ô Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Plusieurs se détournèrent de l'enseignement de Jésus en pensant qu'il opérait les miracles par un art magique, ou qu'il était faux prophète en disant qu'il serait retiré du monde ou qu'il ne mourrait pas avant la fin du monde. Ceux qui se tinrent fermes dans l'enseignement de Jésus furent accablés de douleur à la vue de sa mort et ne se rappelaient pas ce qu'il leur avait dit. Ils étaient allés avec la mère de Jésus au mont Calvaire, pleurant sans cesse en assistant à son supplice. Par l'intervention de Nicodème et de Joseph d'Arimathie, ils obtinrent le droit du gouverneur d'ensevelir le corps de Jésus. Ils le descendirent du bois au milieu d'effroyables gémissements que personne n'imaginerait et l'ensevelirent dans le nouveau sépulcre de Joseph, enveloppé de 100 livres de précieuses épices. Puis chacun retourna dans sa maison. Celui qui écrit, Jean et son frère Jacob, allèrent à Nazareth avec la mère de Jésus. Le troisième jour, les disciples annoncèrent que Jésus était ressuscité. La confusion fut si grande que le grand Cohen interdit à quiconque de parler de Jésus de Nazareth, sous peine de bannissement, et il le fit suivre d'une grande persécution. Beaucoup se firent lapider et un bon nombre de ceux qui ne pouvaient garder leur calme sur cette affaire se firent battre et expulser. Les nouvelles parvinrent jusqu'à Nazareth que Jésus, mort sur le bois, était ressuscité. Celui qui écrit déclara à la mère de Jésus de cesser son deuil, car Jésus son fils était ressuscité. La Vierge Marie avait répondu en larmes. « Allons retrouver mon fils à Jérusalem, je ne mourrai qu'après l'avoir vu. » La Vierge retourna à Jérusalem avec Jean, Jacob, et celui qui écrit le même jour que fut publié le décret du grand Cohen. Notre Dieu miséricordieux ordonna à ses 4 anges favoris, Gabriel, Michaël, Raphaël et Uriel de veiller sans cesse sur Jésus pendant 3 jours. Entouré de la splendeur du Saint-Esprit, Jésus vint dans la pièce où la Vierge Marie logeait chez ses 2 sœurs, avec Marie Magdala, Marthe, et Lazare, Jean, Jacob, Céphas et celui qui écrit. Ils tombèrent morts de peur et Jésus releva sa mère et les autres de terre. « N'ayez crainte et ne pleurez pas » dit-il. « Je suis Jésus, je suis vivant, non mort. Tu es juste, Seigneur notre Dieu. À toi seul reviennent honneur et gloire à l'infini. » Ils restèrent un long moment à côté d'eux-mêmes en présence de Jésus qu'ils avaient tous cru mort. Jésus dit sa mère. « Crois en moi mère, en vérité je te dis que Dieu me soutient jusqu'à ce que la fin du monde approche, c'est-à-dire, la fin du sacerdoce des Kohanim. » Jésus se tourna vers celui qui écrit et dit. « Barnabé, vois par tout moyen d'écrire dans mon séfer tout ce qui est arrivé depuis ma venue sur terre. Céphas et Jean qui ont tout vu te diront ce qui s'est passé. » Jésus nous demanda d'appeler ses fidèles disciples pour venir le voir. Jacob et Jean appelèrent 7 disciples, incluant Nicodème, Joseph et plusieurs autres des 72, et ils mangèrent avec Jésus. Jésus leur dit « Allez avec ma mère au mont des Oliviers. De là je monterai au ciel et vous verrez qui me portera. » Tous allèrent, sauf 25 des 72 disciples qui s'étaient enfuis à Damas par crainte. À la mi-journée, tandis qu'ils étaient tous en prière, Jésus vint avec une grande foule d'anges qui louangeaient Dieu. À la vue de la splendeur de son visage, ils tombèrent face contre terre de grand effroi. Jésus les releva et les rassura. « N'ayez crainte, je suis votre maître. Soyez mes témoins dans Israël et à travers le monde, sur toutes les choses que vous avez vues et entendues. Jésus pria Dieu pour le salut de ceux qui ont pleinement foi, et pour la conversion des pécheurs. Puis il embrassa sa mère et dit : Confie-toi en Dieu qui nous a créés, paix sur toi, mère. Dieu est avec vous, dit-il à ses disciples, avec grâce et miséricorde. Il pria les quatre anges de se montrer pour rendre témoignage des choses. Les anges se montrèrent, resplendissant comme quatre soleils, et tous tombèrent morts de peur. Jésus donna aux anges quatre voiles de lin, pour qu'ils se couvrent et que sa mère et ses compagnons puissent les voir et les entendre parler. Après les avoir relevés, il les réconforta puis il dit : Ce sont les ministres de Dieu. Gabriel annonce les secrets de Dieu. Michaël combat les ennemis de Dieu. Raphaël reçoit les âmes des mourants. Uriel appelle chacun au jugement de Dieu au dernier jour. Et sous leurs yeux, ils virent les quatre anges le porter jusqu'au ciel. Après le départ de Jésus, les disciples se dispersèrent dans différentes parties d'Israël et du monde. La vérité fut encore persécutée par le mensonge de Satan, et certains malveillants prétendirent être des apôtres et prêchèrent que Jésus était mort mais non ressuscité. D'autres en prêchaient et prêchent encore que Jésus est un dieu. Nous prêchons la vérité, qu'il est mort et ressuscité comme je l'ai écrit pour que ceux qui craignent Dieu soient sauvés au dernier jour du jugement de Dieu. Amen.